Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, bulletin de sport local et régional de l'édition du 18 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant d'une belle performance en fin de semaine pour Isabelle Boilla au championnat panaméricain Master de Gaspésie. Elle a réussi peut-être sa meilleure performance depuis qu'elle pratique l'haltérophilie. Elle a réussi 55, 58 et 61. Et à l'épaule et jeté 75, 78 et 79 pour un total de 140. Donc, ses performances lui ont donné la médaille d'argent au volet panaméricain et une autre médaille d'argent pour le volet canadien. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau a terminé à égalité au troisième rang au tournoi de Rimouski. En tout et partout, il a fini avec moins 4, ce qui lui donne un pointage de 140. Maintenant, il y a un autre golfeur de la région, soit Lucas Dupéré, qui lui a fini au 18e rang. Donc, Dupéré a terminé avec un total de 148 et a terminé également à plus 3. Deux défaites pour les voyageurs de Ville-Saguenay au cours du week-end. D'abord, ils ont subi des revers de 2 à 0 et 15 à 13. Au soccer, dans les différentes ligues qui nous intéressaient, il y avait des matchs hier. On a quelques résultats qui nous intéressaient. D'abord, niveau du U16 féminin, victoire du Chinook de Chicoutimi 4 à 0 sur le FC de Saint-Félicien. Et dans un autre match également, U16 féminin, victoire du Boreal d'Allemand 1 à 0 sur le FC de Saint-Félicien. Le sport local et régional, adanradiosport.com. On s'en occupe.